Communiqué du comité préparatoire du côté nord pour le rendez-vous pont national en faveur de la paix et de la réunification de la patrie et des rapports nord-sud. Au fort des préparatifs pour le rendez-vous pont national en faveur de la réunification à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à l'occasion du 127e anniversaire de la fête internationale des travailleurs le 1er mai, a eu lieu respectivement au nord et au sud la cérémonie constitutive du comité préparatoire des organisations ouvrières nord-sud pour le rendez-vous pan national en faveur de la paix et de la réunification de la patrie et des rapports nord-sud. À la cérémonie tenue à Pyongyang, ont été présents les délégués des organisations syndicales par industrie et régionale, dont les permanents du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée, les membres de la commission de la réunification, le comité central de l'Union du syndicat de la métallurgie et de la machine de Corée, le comité central de l'Union du syndicat de l'enseignement et de la culture de Corée, le comité central de l'Union du syndicat des transports et de la pêche, le comité central de l'Union du syndicat de la mine et de l'énergie de Corée et le comité municipal de Pyongyang de la Fédération générale des syndicats de Corée. Plusieurs personnes ont prononcé les discours suivis de la lecture des messages de solidarité adressés par la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud. Le comité préparatoire des organisations ouvrières nord-sud pour le rendez-vous pan national a pour ses coprésidents les présidents des formations ouvrières du nord et du sud. Il a discuté de l'orientation d'activités destinées à rehausser le rôle de pionnier des organisations ouvrières nord-sud dans la réalisation du dialogue en étroite relation avec les comités préparatoires du nord, du sud et de la diaspora pour le rendez-vous pan national. Dans la cérémonie a été adoptée la déclaration constitutive du dit comité convenu entre les organisations ouvrières du Nord et du Sud. La déclaration dit, entre autres, « Les organisations ouvrières du Nord et du Sud sont convaincues que le rendez-vous pan national sera une occasion importante pour améliorer les rapports intercoréens et ouvrir une page nouvelle de la paix et de la réunification indépendante nationale grâce à l'application des accords intercoréens. Tous les échanges et activités solidaires des formations ouvrières Nord-Sud prévues cette année auront pour but de réussir au rendez-vous pan national. Nous déployerons nos activités opiniâtres en vue de renforcer les forces de grande union nationale et enrayer les menées de guerre et de confrontation des scissionnistes du dedans et du dehors du pays. Nous autres ouvriers du Nord et du Sud, fils aînés de la nation et forces motrices de la réunification indépendante, nous serons pionniers de l'application des déclarations Nord-Sud et de la réalisation du rendez-vous pan national. Par ailleurs, à Séoul aussi, s'est tenue la cérémonie du genre sous les auspices de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et de la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud en présence des délégués des organisations de toutes les couches. On y a donné lecture du message de solidarité adressé par le comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée. La création du comité préparatoire des organisations ouvrières Nord-Sud pour le rendez-vous pan national encouragera plus énergiquement toutes les couches de l'intérieur et de l'extérieur du pays et d'outre-mer en activité destinées à réaliser le rendez-vous pan national pour la réunification cette année significative marquant 45 ans de l'historique déclaration du 4 juillet et 10 ans de la déclaration du 4 octobre. Pyongyang, le 1er mai de l'an 106 de juillet 2017.